Ok, j'enlève le de l'orge. Ré, genre, pour voir ré. Ré, ré, ré, ré. Il faut que j'enlève ce pchit, c'est chiant. Thank you. Thank you. Nudes. I love it. Nudes. It's a crazy loop. Thank you. Pardon. Sense.